Nous continuons notre série d'émissions consacrée aux grandes épopées dans le monde entier avec Victor Massel-Lépinet de la Fabrique de l'Histoire. Et aujourd'hui, notre débat portera sur les sagas islandaises. Lundi, nous avons débuté cette série par une émission sur l'épopée de Gilgamesh. Hier, nous avons interrompu cette série pour consacrer une émission spéciale à Notre-Dame de Paris. Et nous avons tout de même enregistré l'émission que nous devions faire autour du roi Guézard. Nous vous la proposerons bientôt. Demain, nous aborderons l'œuvre d'Homère. Et aujourd'hui, grâce à des textes qui seront lus par Mélodie Auru, nous débattrons des sagas islandaises. Quand ont-elles été composées? Pourquoi s'interrompent-elles à un moment donné? Comment ont-elles été portées jusqu'à nous? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions que nous allons poser à nos trois invités. Marie Mossé, elle est professeure de français en lycée et doctorante en littérature comparée à l'université de Lorraine et d'une université de Québec à Montréal. Et elle travaille en particulier sur la découverte des littératures islandaises au 19e siècle. Anna Steinun Thorleifsdottir est également avec nous. Elle est maître de conférence à Caen. Elle a fait sa thèse avec Régis Boyer sur la traduction norroise du Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes avec des copies islandaises. François Aymion est également avec nous. Il est maître de conférence à la Sorbonne. Vous enseignez à la Sorbonne la civilisation et les langues scandinaves médiévales. Vous avez également fait votre thèse avec Régis Boyer, parce que quand on parle saga islandaise en France, on cite forcément celui qui nous les a fait connaître le plus fréquemment, c'est-à-dire Régis Boyer. La saga est avant tout un art narratif fait d'économie, de resserrement, voire de laconisme. Cet art refuse toute fioriture, toute concession aux pathétiques faciles. Un humour difficilement traduisible vient toujours tempérer, au moment opportun, toute tentative d'effusion. L'objectivité apparente que s'imposent les auteurs, leur volonté de ne pas intervenir directement dans le récit et de laisser parler l'action et les personnages, confère à ces textes une remarquable force de persuasion. Bonjour à vous, Victor Massel-Lépinet. Bonjour, Emmanuel. Merci d'être encore aujourd'hui à mes côtés pour parler des sagas islandaises. Marie Mossé, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Anna Steinun Thorleifsdottir. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et bonjour à vous, François Aymion. Bonjour. Vous avez reconnu la plume de votre maître, à savoir Régis Boyer, quand il préfaçait sa série de sagas islandaises pour la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Il disait d'ailleurs qu'après des siècles d'ignorance totale et une approche confuse inaugurée par les romantiques, la mode s'était désormais emparée du mot saga. Évidemment, quand on sait ce qu'il en a été de la propagande autour de la grande série Game of Thrones qui redémarrait cette semaine, on comprend ce que ça veut dire, cette mode qui s'était emparée du mot saga, justement. Alors, ces sagas, telles qu'il les décrit, ce sont donc un art narratif, d'économie, de resserrement, voire de laconisme. Ça n'est pas comme ça que la plupart des gens l'imagine sans les avoir lus. C'est-à-dire que le mot a pris en français un sens un peu particulier, tout comme épopée d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est quelque chose de grande fresque, grand récit, alors qu'une saga, ça désigne beaucoup de choses en fait dans l'Islande médiévale, puisque le mot qui est dérivé du verbe segja, qui veut dire, comme to say en anglais, c'est un mot qui signifie ce qui est dit, donc ça s'enracine dans l'oralité, même si les sagas, pour nous, ce sont des textes écrits qui ont été composés entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. Et c'est cela qui est intéressant, c'est la courte durée pendant laquelle ces sagas ont été composées, Anna Steinun Thorleifsdottir. Pourquoi donc deux siècles d'histoire, pourrait-on dire, qui rassemblent autant d'histoires, parce qu'au bout du compte, il y en a de très nombreuses, elles sont très variées, et ce terme saga recouvre des façons de dire, justement, très différentes les unes des autres, et des histoires qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est sans doute... ce sont des gens qui s'installent dans une île déserte, et ils veulent se démarquer très rapidement de la Norvège. Et ils vont donc raconter des histoires. Ils ont l'écriture qui vient avec la christianisation, donc autour de l'an 1000. Et l'église, on va installer tout au XIe siècle, l'église, elle est un peu partout. Les chefs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire construire une église, engager un prêtre, ce qui va, à la fin du XIe siècle, quand il y a l'instauration de la dîme, ils vont toucher la moitié de la dîme. Donc, en fait, il y aura une richesse qui serait créée. Donc cette richesse va permettre aussi de raconter des histoires d'une certaine façon et de mettre par écrit ces histoires que l'on raconte. Mais c'est un pays où on souhaite garder la paix, mais il y a des conflits sans cesse. Et en fait, des Islandais parlent de ces conflits. Oui, François Aimion, il faut dire qu'effectivement, cette découverte de l'Islande, c'est le milieu du 9e siècle, c'est ça ? Les années 870, voilà, à peu près, oui, le milieu des années 70. Donc il y a un temps de latence entre la découverte de ce pays par justement des gens qui viennent de Scandinavie, la découverte de ce pays, et puis ensuite la mise par écrit de la découverte de ce pays, parce que les sagas, c'est la mise par écrit de la découverte de ce pays. Alors le temps d'attente, il était imposé, si vous voulez, par le médium. Il fallait écrire. Donc l'écriture, elle arrive évidemment qu'avec le christianisme. Et il y a un temps. Alors le temps d'attente, il est plutôt à partir du début du XIe siècle, où l'Église amène avec elle la culture du livre. Et l'art d'écrire et la capacité des autochtones à maîtriser cet art-là et à commencer à écrire. Donc le premier ouvrage qu'on ait en islandais, ça date des années 1130. C'est un prêtre qui s'appelle Ari Thorgilsson, dit le savant, et qui écrit un petit opuscule qui s'appelle le Livre des Islandais, où il raconte l'histoire de l'Islande de façon très très laconique et très rapide. Donc 860, l'arrivée des populations scandinaves sur le territoire de l'Islande. 999, une assemblée décide que ce territoire sera désormais chrétien. Et 1130, vous dites, oui, pour les premiers textes. Oui, aux alentours de 1130, premier texte. Victor Massé-Lépinel. Alors, l'arrivée de l'Église apporte bien sûr l'écriture cursive, qui va permettre d'écrire des parchemins différents. Une écriture différente des runes, mais l'Église apporte aussi tout un corpus de textes, tout un corpus d'histoires écrites. Vous évoquiez tout à l'heure l'oralité dans laquelle s'enracinent ces sagas islandaises. Comment est-ce que ce choc peut-être entre ces siècles de culture écrite apportée par l'Église et cette oralité islandaise, comment est-ce que cette rencontre va se faire ? C'est pas sous la forme d'un choc, en fait, hein. On parlait de latence, on pourrait parler d'infusion aussi. C'est-à-dire que, tranquillement, les récits traditionnels des Islandais, qui sont, encore une fois, relativement isolés dans leur île et qui veulent avoir quelque chose à eux, hein. Vous parlez un Islandais maintenant, il vous dira que, sous contrôle de ma collègue islandaise, nous, on a, en France, on a des musées, des monuments, on en avait pour certains, et eux, ils ont les sagas islandaises, c'est leur trésor, hein. Ils ont rien d'autre au niveau architectural et richesse. Donc c'est quelque chose de très très important pour les Islandais. Donc c'est des récits qui se sont d'abord transmis oralement et qui ont été influencés par la culture chrétienne, hein, par les lectures de ces prêtres. Alors il faut préciser qu'il y a différents types de récits. Il y a des sagas qui sont donc des sagas en prose, c'est important que de le dire. Et puis il y a les poèmes skaldiques. Vous pouvez nous dire en quoi ils diffèrent justement, Anna Steinun Torleifsdottir, parce que on comprend, l'écriture arrive, la façon de mettre par écrit nos histoires, ces histoires-là arrivent également, mais on va avoir deux types d'écriture, un type en prose et un type en poésie. Enfin, ce sont les sagas, sagas des Islandais ou sagas royales, qui sont agrémentées par des strophes skaldiques. Voilà. Et souvent, dans les sagas des Islandais, en fait, puisqu'on n'exprime pas les sentiments, et on va les exprimer dans les strophes, et comme les strophes, là, on ne dit rien directement, il faut déchiffrer. C'est extrêmement élaboré, c'est d'une beauté extraordinaire qui fait appel à tous vos sens. Non, ça ne fait pas rêver. mais je crois que peut-être que ce qu'on a de mal en Scandinavie, je crois qu'en fait ça vient un tout petit peu de la poésie skaldique, c'est-à-dire on évite de dire directement les choses. Et c'est donc le cas dans cette poésie skaldique. Mm-hmm. Et alors que dans la saga elle-même en prose, on dit les choses ? Non. Ah, justement. Non plus. En fait, il y a, vous avez ce que les gens disent et ce qu'ils font. Et à vous de faire votre opinion sur ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Victor Massé-Lépiné. C'est entre autres l'humour dont on parlait tout à l'heure. Cet humour qui est, j'ai lu quelques exemples, peut-être vous nous en direz au cours de l'émission, c'est difficilement déchiffrable de comprendre a priori quand on n'est pas plongé dans cette culture que c'est de l'humour. Ce sont des phrases qu'il faut interpréter, qui sont en effet très, à première vue, très plates, très ternes, presque très premier degré, on pourrait dire, alors qu'en fait, il y a plusieurs lectures. Mais je voulais poser tout de suite une question, parce que nos auditeurs, comme nous, avant de préparer cette émission, ne connaissons pas bien tout ça. C'est la place du sacré, du merveilleux, des dieux, puisque quand on pense Islande, on pense à toute une mythologie. Est-ce que dans les sagas, il y a des dieux? Est-ce qu'il y a du merveilleux, comme on imagine, a priori? Non. On posait la question en connaissant la réponse tout de même. Alors pourquoi n'y a-t-il pas, justement, alors qu'on imagine ces questions de dieux, pourquoi n'y a-t-il pas les dieux dans ces sagas, et pourquoi c'est plutôt une littérature, on pourrait presque dire, du quotidien de l'Islande? Il faut faire attention d'emblée de voir qu'il y a plusieurs types de sagas, oui, plusieurs types d'écriture. Là, les sagas qui nous intéressent, qui peuvent le plus se rapprocher de ce qu'on appelle une épopée, collectivement, ce sont les sagas des Islandais, c'est-à-dire une quarantaine de textes assez divers qui relatent la vie en Islande depuis l'installation des Islandais à la fin du 9e siècle jusqu'au milieu du 11e siècle. Mais après, les Islandais appellent sagas tous les textes historiques ou fictifs. Il y a des traductions, adaptations des romans de chevaliers dont ma collègue est spécialiste. Vous avez des sagas, des textes hagiographiques. Alors là, saga, c'est la vita latine hagiographique. Hein. Vous avez des sagas royales, vous avez des sagas légendaires, vous avez plein de types de sagas. Donc les sagas, c'est très varié. Vous pouvez nous faire écouter la langue des sagas, si vous voulez bien, si ça n'est pas un exercice trop difficile, Anna Steinun Torleifsdottir. Enfin, ça n'est pas difficile pour vous. Si vous permettez, je vais lire un tout petit peu de la saga de Gisle Susson. C'est là où Thorkell vient le paresseux, il écoute les paroles des femmes et ce qui évoque sa jalousie, il va dire: Þá tók Þorkell til orða, ekki ætla ég þér hér að liggja náttland né lengra banni. Áskerðu mælti, hví hefur svá skjótt skipast, eða hvað ber til þess, segir Áskerður. Þorkell mælti, bæði vitu við nú sökina, þótt eg hafi lengi lindur verið og mun þinn hróður ekki að meiri þó að eg mæla berara. Merci pour cette lecture. On va prendre un autre extrait de cette saga de Gisle Sursson, comme on dit. De Gisle Sursson, Mélodie Auru. L'exercice est compliqué, mais c'est en français, en l'occurrence. La serf s'éloigne à la rame, épuisée, dégoûtante de sueur, au point qu'elle en fume. Borkr et les siens rament jusqu'à terre, et c'est Sakastein qui est le plus prompt à sortir du bateau. Il court chercher Gisli. Quand il arrive dans le ravin, Gisli se dresse, l'épée brandie, le frappe immédiatement à la tête de telle sorte que l'épée s'enfonce jusqu'aux épaules, et il tombe mort sur le sol. Borkr et ses hommes montent dans l'île, mais Gisli se jette à l'eau et veut aller à terre à la nage. Borkr lui jette une lance. Le coup l'atteint au mollet, le lui tranche et c'est là une grande blessure. Il arrache la lance, mais laisse échapper son épée, parce qu'il est si épuisé qu'il ne peut la tenir. La nuit tombe et il fait sombre. Quand il est parvenu à terre, il court dans les bois, car des arbres ont poussé là, en divers endroits. Alors Borkr et ses hommes rament jusqu'à terre, cherchent Gisli et l'encerclent dans le bois. Et il est si épuisé et raidi de froid qu'il peut à peine marcher. Et il voit qu'il y a des hommes de toutes parts autour de lui. Il cherche quelle partie prendre, descend jusqu'à la mer et en prenant par la partie du rivage découverte par la mer à marée basse, il parvient à Ogre en pleine obscurité et va trouver un bondi qui s'appelle Refre, le plus rusé des hommes. Celui-ci le salue et lui demande les nouvelles. Il dit tout, et comment les choses se sont passées entre lui et Borkr. un extrait de la saga de Gissi-sur-Saône, traduite par Régis Boyer dans le gros volume sur les sagas islandaises qu'il a composé donc il y a quelques dizaines d'années. C'était à la fin des années 80, je crois. C'était en 86, je crois. 87 pour la collection La Pléiade chez Gallimard. Victor Massé d'Épinay. Oui, on a bien entendu dans ce texte ce que disait Régis Boyer de ce style littéraire des sagas, un style apparemment objectif, comme il disait, assez sec, sans fioritures, assez proche de l'action. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces sagas? Qu'est-ce que ça raconte, ces sagas? Donc, on est dans la catégorie de ce que vous appeliez, François Aymion, les sagas islandaises, c'est-à-dire des personnages dont on raconte la vie, qui ont vécu... Les sagas des Islandais. Les sagas des Islandais, c'est ça. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce que ce sont des genres d'initiation, d'épreuves? Il y a toujours la question de la vengeance, la question de la loi, la question du destin. Qu'est-ce qui arrive à ce personnage, par exemple, à ce personnage-là dont Mélodie Aurue? Ce personnage, il était piégé par quelque chose qui est très important en Islande médiévale, à savoir l'honneur. Et le droit à la vengeance, donc il a tué et il est proscrit. C'est très intéressant parce que quand on est proscrit en Islande, on est skogarmaldr, c'est-à-dire homme de la forêt, et il n'y a plus de forêt pratiquement en Islande à cette époque-là. Voilà, donc on a gardé un vieux mot qui désigne. Où raconte-t-on cela justement à ce moment-là? C'est-à-dire quand ces sagas sont écrites, elles sont écrites pour être lues, apprises, parler, énoncer dans des assemblées. Est-ce qu'on sait les conditions dans lesquelles ces textes sont transmis d'une certaine façon, de bouche à bouche, de bouche à oreille, de bouche de quelle façon ils parviennent à toute la population islandaise? Est-ce que vous pouvez nous dire cela ou est-ce qu'on n'en sait rien, Anna Steinun, dans les feux de tir? Oh non, c'est pas trop. Bien sûr, la tradition orale est extrêmement forte jusqu'à donc la christianisation, mais jusqu'au XXe siècle, en fait. Et raconter des histoires, l'hiver est long et c'est noir. Donc, on ne sait pas si, certainement, parce que Gisli a existé. Il a existé. Oui. Donc, en fait, ce sont des œuvres littéraires basées sur des faits historiques. Mais ce sont vraiment des œuvres littéraires qui obéissent à l'écrit. C'est d'ailleurs ce que disait Régis Boyer, en l'occurrence, votre maître, en l'occurrence, François Aymion. Eh bien, il ne faut pas y voir l'histoire. On croit voir des textes qui vont nous raconter une histoire, l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. En fait, ce sont des textes qui sont édulcorés, travaillés, qui disent autre chose peut-être que la véritable histoire des personnages qui sont censés être représentés dans ces textes. Alors c'est un peu trompeur, parce que ce sont effectivement des personnages qui ont existé, qui évoluent dans les lieux qui sont connus de tous, c'est l'Islande. Mais effectivement, à partir de là, la tradition orale a enjolivé sûrement les choses, les a coulées dans des schémas éventuellement légendaires, mythiques. Mais vous me demandez tout à l'heure le merveilleux, il n'y a pas de merveilleux, mais il y a quand même des schémas narratifs qui peuvent relever de la légende ou de la littérature, et l'influence évidemment de la littérature chrétienne. On voit des influences de vie de saint, de la géographie, notamment dans les épisodes de conversion d'Islande qui sont au centre d'un certain nombre de sagas. Victor Massé d'Épinay. On ne sait pas toujours très bien comment ces sagas ont été écrites, mais Régis Boyer dit qu'elles ont été écrites dans un but, et il dit que c'est une des règles d'or de toute saga, c'est qu'elles sont écrites pour le plaisir. C'est la première chose, il insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire c'est pas Tilgaman, c'est ça, c'est pas une littérature d'abord édifiante, c'est pas une littérature qui a d'abord pour but de souder une communauté dans une vision nationale, c'est d'abord le plaisir qui est au centre de tout ça. Plaisir de l'auteur, plaisir des auditeurs, évidemment. Plaisir, oui, mais ce qui fait qu'on ne lit pas les sagas très jeunes, c'est qu'il y a des descriptions très précises des blessures. Donc, vous avez écouté de l'extrait qu'elle a lu, que ça a coupé jusqu'aux épaules, la tête. C'est. comment dire, peut-être ce sont chasser les diables, c'est-à-dire que en fait ils ont élaboré un système législatif très en 1930, donc avant la christianisation, et ils décident de d'être christianisés. Donc et il y a des grandes assemblées, c'est ça? Oui, mais une fois par an, il y a la session plénière, et puis il y a la session avant et après. Mais en fait, le problème, c'est de garder la paix. Et en fait, ces sagas sont extrêmement humaines. Elles décrivent les défauts et les qualités des gens, tout en faisant appel au lecteur. Parce qu'on ne va pas... On va pas vous, c'est pas enjolivé du tout. Au contraire, c'est extrêmement cru. C'est destiné à vous secouer un peu. Eh ben, on va être secoué en écoutant ce nouveau texte tiré là aussi d'une traduction des sagas islandaises par Régis Boyer dans La Pléiade par Mélodie Oru. Alors il fut blessé à deux reprises. Et tout le monde dit qu'il ne broncha ni devant les blessures, ni devant la mort. Il dit à Hallgerd, « Donne-moi deux mèches de tes cheveux, et tressez-les, toi et ma mère, pour en faire une corde pour mon arc. »« Cela est-il important pour toi ?» dit-elle. « Il y va de ma vie, » dit-il, « car ils ne mourront pas tant que je pourrai me servir de mon arc. » « Alors je vais, » dit-elle, « te rappeler la gifle que tu m'as donnée, et cela m'est bien égal que tu te défendes plus ou moins longtemps. » « Chacun a sa façon d'acquérir de la renommée, » dit Gunnar, « et je ne te le redemanderai pas. » Ranveig, mère de Gunnar, dit, « C'est mal te conduire, et ta honte vivra longtemps. » Gunnar se défendit bien et vaillamment, et fit à 8 autres hommes de si grandes blessures, que beaucoup faillirent en mourir. Gunnar se défend jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Ils lui firent alors maintes grandes blessures, et pourtant, il parvint encore à leur échapper et se défendit longtemps. Cependant, le moment arriva où ils le tuèrent. François Aimion, si on ne sait pas très bien comment circuler à l'intérieur de cette jeune société islandaise des 12e, 13e siècles, ces textes, par qui ils étaient appris, comment ils étaient connus d'une certaine façon. On sait que, étant donné qu'on dope souvent l'Islande pour son petit nombre d'habitants aujourd'hui, on était dans des communautés relativement restreintes. Peu de gens vivaient sur ce territoire-là. Ils étaient venus d'ailleurs, ils étaient peu nombreux. Donc ces histoires, elles racontaient des histoires toute proche, puisque certains des personnages étaient des personnages historiques que l'on pouvait avoir connus deux ou trois générations plus tôt. Alors ils étaient en effet pas très nombreux, ils étaient quelques dizaines de milliers, hein, 50 000, on ne sait pas exactement, à 10 ou 20 000 près, hein, probablement autour de 50 000, assez rapidement, hein, une immigration donc assez massive depuis la Norvège, mais aussi à partir des îles britanniques, oui, infestées de vikings norvégiens, donc qui a fait le voyage jusqu'en Islande, voilà. Et donc ils étaient peu nombreux, mais donc ils se connaissaient, c'était des familles. Il y a d'ailleurs cette idée souvent, qui est une idée d'après ce que j'ai lu chez Régis Boyer un peu fausse, que ces sagas retraceraient les histoires de clans, retraceraient les histoires de familles, et que ça n'est pas toujours le cas justement, ou même pas souvent le cas en François Aimion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que il y a en effet des sagas. C'est généralement ça s'inscrit. Il y a un personnage principal, mais c'est aussi des sagas qui traitent de familles entières, de lignées. Oui, mais des familles, des clans, mais que ça ne serait pas forcément l'histoire de ces clans qui serait racontée, telle que ça n'est pas forcément l'histoire des personnages qui serait racontée par lorsqu'on prend un personnage comme centre d'une saga, et que on peut distinguer l'histoire des personnages réels, enfin tel qu'on peut l'imaginer, et puis la saga qui est un motif littéraire, un récit littéraire. Alors les sagas sont des récits assez touffus avec beaucoup de personnages, et le thème central quand même des sagas, ce sont les conflits et leur résolution. Mm-hmm. Alors dans cet extrait de Njal, je sais que je ne le prononce pas bien, Njal, je crois, Njal le Brûlé. Njal. Njal. Ah, Njal le Brûlé. Avec Gunnar, on entend la femme de Gunnar à la fin qui lui refuse un cheveu pour pouvoir bander son arc. Dans cette histoire, les femmes ont quand même un rôle assez terrible. C'est elles qui apportent le conflit, continue ce cycle de vengeance qui ne s'arrête pas jusqu'à la mort de presque tout le monde. Est-ce que c'est un motif récurrent dans toutes les sagas des Islandais, cette place des femmes, ou est-ce que parfois elles ont aussi le beau rôle ? Non, elles sont rarement le beau rôle, mais à propos de Hallgerður, il ne faut pas dire les femmes. Hallgerður, c'est la pire. C'est Gunnar et son quatrième mari, troisième ou quatrième mari, et en fait... Elle a déjà tué les deux précédents. Elle a fait oui, mais c'est justement la chifle. On chifle pas une femme. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme, la richesse se transmet par la femme. Les manuscrits y compris. Ça, c'est une richesse. Et elle pouvait... Et puisque elle avait la richesse, elle pouvait, ce qui est le cas de quand Thorkell refuse, voilà, tu viens plus dans mon lit. Ah. Elle dit, voilà, je peux divorcer sur le champ. Elle a besoin de deux témoins et c'est tout. Mais il va être plus pauvre après. Ah oui, parce qu'elle possède la richesse. Oui, voilà, c'est ça. Donc elles ont un immense pouvoir, en fait. Mais elles n'ont pas souvent la parole. Mais là, Hallgerður, longtemps, on ne baptisait pas les filles Hallgerður à cause de la saga de Njál. Ah, c'est-à-dire que ça avait tellement de poids dans la société islandaise, ouais, qu'on ne prenait pas ce prénom-là comme non, étant... Non, c'est qu'il y a peut-être un demi-siècle qu'on commençait à recommencer à baptiser quelqu'un Hallgerður. C'est pareil avec Mörður. Peut-être que bientôt on aura des Ganelons qui reviendront dans notre propre histoire, c'est ça. Un jour à Reykjavik, la fille d'un pêcheur qui avait coutume de venir chaque semaine nous apporter des oiseaux de mer et du poisson, entra dans ma chambre et me trouva occupée à étudier la saga de Njál. « Ah, je connais ce livre, me dit-elle. » Je l'ai lu plusieurs fois quand j'étais enfant. Et à l'instant, elle m'en indiqua les plus beaux passages. Je voudrais bien savoir où nous trouverions en France une fille de pêcheur connaissant la chronique de Saint-Denis. Nous faisons un saut dans le 19e siècle avec ce texte des Lettres sur l'Islande paru en France en 1837 de Xavier Marmier. Avec vous, Marie Mossé, c'est vous qui nous avez fourni ce texte, parce que une des raisons aussi qu'un 19e siècle romantique, dont on parlait hier à propos de Notre-Dame de Paris, qu'un 19e siècle romantique a trouvé dans son intérêt pour l'Islande, c'est justement cette culture populaire que l'on défendait vaillamment dans toute l'Europe de cette époque, c'est-à-dire la première moitié du 19e siècle, qui était encore vivante parmi la population, et en particulier dans le peuple, chez les filles de pêcheurs qui connaissaient justement ces sagas par cœur. Vous travaillez, vous, Marie Mossé, sur l'étonnement des intellectuels et des voyageurs français en particulier devant cette Islande qui représente pour elles une sorte de conservatoire, pour eux, une sorte de conservatoire des traditions. Tout à fait. Alors, Xavier Marmier, c'est peut-être le voyageur le plus emblématique de cet étonnement généralisé au XIXe siècle. C'est vraiment de cet extrait-là que part l'étonnement topique des voyageurs. Parce qu'effectivement, vous avez, on parlait de transmission de saga tout à l'heure et on se demandait comment elles étaient transmises de siècle en siècle. Au XIXe siècle, les voyageurs entendent les sagas le soir dans les familles islandaises qui les reçoivent. Et ça devient un motif narratif à part entière du voyage en Islande. Donc c'est ce qu'on appelle, alors je parle sous contrôle de ma collègue, parce que l'islandais je le connais à l'écrit plus qu'à l'oral, c'est ce qu'on appelle la kvöldvaka, donc c'est la veillée nocturne en fait, où le père de famille prend un livre dans sa bibliothèque, qui en général est un livre de saga, et il va lire des sagas par extrait à toute la famille et aux voyageurs invités ce soir-là. Et donc, tous les voyageurs passent par ce moment obligé de l'hospitalité islandaise. Et les Islandais qui reçoivent les voyageurs jouent eux-mêmes beaucoup là-dessus et ils présentent leur bibliothèque aux voyageurs. À ce moment-là, l'Islande est encore une colonie danoise, une colonie d'ailleurs qui est plongée dans la misère, qui a été spoliée de son trésor, les sagas islandaises, qu'elle ne récupérera qu'au XXe siècle. Il faut d'ailleurs conseiller le documentaire d'Anaïs Kien qu'elle a diffusé il y a quelques temps justement sur la façon dont on a récupéré ce patrimoine en Islande au XXe siècle. Tout à fait. Et donc, cette colonie danoise est dans la misère, disiez-vous, Marie Mosset, et donc, d'une certaine façon, elle continue à transmettre la tradition dans ses veillées. Exactement, exactement. Et effectivement, les familles islandaises vont aussi beaucoup compter sur les voyageurs pour être leur porte-parole dans leur pays. Il va s'agir en fait de promouvoir aussi à l'étranger la richesse littéraire islandaise à travers les récits de voyage. Alors c'est d'ailleurs la plus grande surprise, pourrait-on dire, des voyageurs que de découvrir ces sagas qui n'étaient pas connues en dehors de l'Islande de toute la période moderne, par exemple, François Aymion. Non, il faut quelques transmetteurs au 19e siècle, effectivement, pour redécouvrir tout ce patrimoine. Non, et pourtant, ce patrimoine, il s'interrompt dans son écriture, en tous les cas, au 14e siècle. On se pose la question de savoir pourquoi il s'interrompt. Il s'interrompt. C'est-à-dire qu'au cours du 14e siècle, on arrête d'écrire des sagas. Mais très rapidement, à partir du XVIe siècle, on commence, et même un peu avant, on commence à les copier. Tout ce patrimoine est copié sur papier. On connaît un certain nombre de sagas parce qu'on a des copies sur papier, on n'a aucun manuscrit original sur parchemin. Et rapidement aussi, XVIIe siècle, les Suédois et les Danois qui s'intéressent beaucoup sur leur passé, qui utilisent le conservatoire historique et mémoriel que représente l'Islande et les œuvres des Islandais, les sagas des Islandais, vont commencer à les éditer. Donc on a une chaîne pratiquement, et au XIXe siècle, c'est la grande époque de la philologie, où là on a des éditions scientifiques, mais enfin pré-scientifique. Donc on n'a pas vraiment d'interruption dans la tradition. Et pourtant, il y a cette expression qui est utilisée souvent, de la longue nuit, justement, islandaise, entre la fin du XIVe siècle, la Norvège qui met la main, puis ensuite le Danemark qui met la main sur cet espace islandais, en l'occurrence, jusqu'au XIXe siècle, et donc la résurgence d'une sorte de nation islandaise. Il y aurait une longue nuit, mais en même temps, une transmission, c'est ça qui est assez intéressant et étonnant, Anna Steinum de Torleifsdottir. Comment peut-on être à la fois dans la longue nuit et en même temps continuer à imprimer, à écrire, à transmettre? C'est parce que les conquérants eux-mêmes s'intéressent à vos histoires, c'est-à-dire c'est parce que les conquérants norvégiens, danois vont d'une certaine façon récupérer ces histoires pour eux. C'est que François Aymion vient de dire, c'est que en fait, ce sont les Suédois et les Danois qui s'intéressent à leur passé, et ils pensent que comme les Islandais ont des manuscrits, qu'ils vont trouver c'est la course d'avoir tous les manuscrits entre ces deux. Mais en fait, on a, certes, il y a eu la misère, mais on gardait précieusement, parce que ça faisait partie d'une recherche, les manuscrits. Et donc, c'est pas un Danois qui va faire la récolte, c'est un Islandais, Arne Magnusson. Au XVIIe siècle. Oui, et donc au XVIIe siècle. Mais en fait, on va garder précieusement. Mais une fois que la misère s'installe, donc on va l'utiliser pour autre chose. Et ce qui est dangereux, c'est le passage au papier, parce qu'on va copier sur papier, donc on n'aura plus besoin de parchemin. Et donc on va l'utiliser pour autre chose, pour faire une chaussure. Ah oui. Pour oui, mais un passoir, donc on va le trouver pour, enfin, on va l'utiliser pour autre chose, même la patronne pour un vêtement. Pour un vêtement. Et ce qui m'amuse beaucoup, le lait de Marie de France qui parle de l'amour, en fait, ça va se trouver dans le mitre d'un évêque. Et donc, en fait, il est très respectueux, etc. Il a l'humour. Il a sa mitre. Sa mitre est composée à partir d'un parchemin sur lequel est écrit le lait de Marie de France en islandais. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc c'est effectivement assez particulier. Et ça veut dire qu'on retrouve aujourd'hui tout de même des extraits ou des morceaux de ces parchemins originaux. Oui, tout à fait. Dans d'autres usages que les usages qui étaient effectivement de conservation dans les bibliothèques. On a une trace de ça. Enfin, ils font plus de semelles de chaussures avec. Non, ça, on a tout bien compris. Ou du moins on l'espère en tout cas. Mais même le manuscrit qui contient l'état, c'est un manuscrit qui ne paye pas de mine. Et au XVIIe siècle, donc, l'évêque va faire cadeau au roi du Danemark. Et c'est le trésor qui contient toute la mythologie de la Scandinavie. Ce qui était assez étrange et très intéressant, c'est que le voyageur du 19e siècle, ou même peut-être un peu plus tôt, sur lequel vous travaillez, les voyageurs Marie-Mossé sur lesquels vous travaillez, sont fascinés, justement parce qu'il vient d'être dit par Anna Steinum Torleifsdottir, c'est-à-dire cette capacité à garder, à conserver l'histoire par l'intermédiaire de la bibliothèque. Et vous dites la figure qui fascine l'intellectuel ou l'écrivain en voyage en Islande au XIXe siècle, c'est la bibliothèque. Oui, totalement. Alors, une bibliothèque, souvent, qui va se réduire à une Bible et deux ou trois sagas qui se battent en duel sur une étagère, mais ça va toujours éblouir le voyageur. Alors déjà, ça va l'éblouir parce que souvent, il ne comprend pas l'islandais, donc il est face à une bibliothèque dont il ne maîtrise pas les clés. Et ça va l'éblouir parce que il va se dire qu'il a cette richesse intellectuelle qui a perduré à travers les siècles en dépit de la misère économique, de la domination politique du Danemark. Et souvent, ça c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement dans les récits de voyage, c'est l'insistance sur le contraste entre la pauvreté matérielle et la richesse spirituelle. Et très souvent, on va faire de l'Islandais un asset, quelqu'un qui atteint sa richesse spirituelle, intellectuelle et littéraire, justement par cette traversée du désert matériel et politique. François Aymion, c'est intéressant parce que c'est la construction aussi d'une figure par l'autre, enfin de l'autre par les Européens qui arrivent en Islande au 19e siècle. Ils construisent une figure qui va peut-être perdurer ou pas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais qui a des antécédents parce que vous avez à la fin du 12e siècle un moine norvégien qui écrit une histoire en latin de la Norvège et qui rend hommage au savoir des Islandais. Et à la même époque, autour de 1200, vous avez un moine danois qui s'appelle Saxo Grammaticus qui écrit volumineuse Gesta Danorum où il rend aussi hommage aux Islandais en disant que ce sont des gens pieux et que les rigueurs de leur pays a comme contrepartie une grande culture et donc les Islandais avaient la réputation depuis le Moyen-Âge, hein, depuis le 12e siècle, d'être les conservateurs, ce qu'ils étaient, des traditions nordiques. Et les autres peuples scandinaves ne se posent pas la question, vous qui travaillez aussi en littérature scandinave plus généralement, ne se posent pas la question de savoir pourquoi eux ne conservent pas leur propre histoire, pourquoi ils ont besoin de ce conservatoire lointain qu'est l'Islande pour pouvoir garder cette histoire-là. Ils ne l'ont pas conservé par manque de... par l'emprise de l'Église peut-être aussi, hein, qui a éliminé tout ce qui était païen, passé païen, hein, ce qui n'a pas été le cas en Islande. Les Islandais ont été beaucoup plus tolérants. Et puis pour les Islandais, on parlait tout à l'heure des sagas Tilgamans pour la distraction. Il y a aussi un enjeu identitaire. C'est leur identité qui transmettent, leur originalité, leur insularité. Victor Massé-Dépinay. Découvrir une bibliothèque, c'est découvrir des récits, ces sagas, les personnages qui y sont mentionnés, mais c'est aussi tout de même découvrir des auteurs. On a commencé l'émission en s'interrogeant sur les conditions de collecte d'un patrimoine oral, sur les raisons de coucher par écrit ces histoires. Certaines des sagas des Islandais sont anonymes, on ne sait pas qui les a écrites, mais il y a quand même quelques auteurs extrêmement célèbres, en particulier peut-être pour les sagas royales. J'aimerais qu'on évoque peut-être la figure de Snorri Sturluson, est-ce que je le dis bien ? Peut-être à peu près. Snorri Sturluson qui est un personnage central dans toute cette histoire des sagas, parce que par sa vie et par son œuvre. Mais sa vie, est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu, Marie-Mossé ? C'est quelqu'un qui est chrétien, qui écrit tout de même l'Edda aussi, qui est la mythologie nordique. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage ? Alors c'est un homme d'église du XIIIe siècle qu'on considère en fait comme le père de l'Edda. Donc l'Edda, c'est ce monument de la mythologie nordique. Et Snorri, il est célèbre chez les voyageurs du XIXe siècle par sa mort tragique. Et donc ils se rendent tous en pèlerinage. Alors je voudrais bien prononcer le nom correct du lieu de la mort de Snorri, Skálholt. Mm-hmm. Voilà. Donc ils se rendent tous à Skálholt. Mais pourquoi est-ce qu'il est assassiné? C'est intéressant, c'est parce qu'il y a des histoires de, c'est au moment de, donc à la fin du XIIIe siècle, de soumission à la Norvège. Snorri œuvre un temps pour la Norvège et puis il est dépassé. Enfin, c'est des histoires compliquées mais qui disent beaucoup sur cette époque et sur l'importance aussi de ce qu'il écrit. Anna Steinun, t'enlèves de tir, vous vous relevez sur votre siège quand on parle de Snorri, justement. Oui, mais Snorri, c'est un très grand chef et il est un très excellent écrivain. Il donc s'est réduit en 1241, mais à Reykjavik, pas Skálholt. Reykjavik. Ouais. Et il va s'arranger. Il aime bien avoir le pouvoir. C'est pas quelqu'un qui se bat, mais il aime bien l'argent aussi. Donc par mariage, il va acquérir richesse, etc. En fait, ça va être la source de sa mort, en fait. Et comme toujours, c'est l'avidité qui termine, se termine mal, en fait. C'est pas un personnage très sympathique, hein, c'est un intrigant. C'est un intrigant, mais c'est un intrigant qui a une belle plume. Qui a du talent. Qui a du talent, et qui, d'une certaine façon, aurait pu être lui-même l'objet d'une saga postérieure. Et on aurait pu raconter, on en a une. Mais tout à fait. Il intervient dans des sagas contemporaines. Oui, bon, ouais. Non, là c'est bon, c'est oui. Les sagas d'aujourd'hui, vous voulez dire. Non, il est mentionné dans des sagas écrites À la même époque. Oui, c'est le saga de contemporain, c'est le saga de Sturlunga. C'est ça, c'était une œuvre absolument monumentale. Régis Boyer s'est fait la troisième traduction mondiale de saga de Sturlunga. C'est un pavé de 800 pages. Mais c'est la saga des Islandais, c'est écrit par le neveu de Snorri. Bien sûr, il va parler de Snorri. Et il va raconter sa mort avec en particulier ses tout derniers mots qui sont en français « ne me frappe pas ». Oui. Et alors, on a beaucoup glosé, il y a eu toute une exégèse sur ces derniers mots. Qu'est-ce que ça... Parce que c'est quelqu'un de très intelligent, rusé, un peu manipulateur peut-être, enfin qui se débrouille bien. Et il termine... en disant ces mots, ne me frappe pas, un peu en implorant ses bourreaux. Alors on s'est demandé si celui qui avait écrit ça, c'était pour le dévaloriser, ou au contraire s'il fallait y lire tu ne tueras point, et donc un commandement divin, et donc le replacer dans une perspective chrétienne. Moi je ne vois pas qu'il implore qui que ce soit. Il dit tout simplement, ne frappe pas. Il y a une certaine. C'est donc il y a pas de fioriture. Non, en fait, c'est autrement dit, ne me tue pas, point. Mais il implore pas, non, de dire non. Mais est-ce qu'il y a une lecture quand même un peu exégétique pour de ces sagas aujourd'hui? Est-ce que la psychanalyse, est-ce que on s'empare aussi de ces textes en essayant d'y voir du sous-texte, ou est-ce qu'on reste toujours à l'histoire proprement dite? Mais justement, tout est entre les lignes. C'est l'essence même de ça. En fait, c'est vous qui écrivez l'histoire. L'histoire, en fait. C'est l'histoire dont vous êtes le héros, d'une certaine façon. C'est le lecteur qui est le héros de cette histoire. Vous participez vous-même. Oui, François Aymion, cette intertextualité, cette façon aussi de se plonger dans un texte dont on devient aussi l'interprétateur, c'est une particularité de ces sagas islandaises. L'intertextualité, elle est très forte, puisqu'on retrouve des personnages et des épisodes racontés de façon un peu différente d'une saga à l'autre, mais ces 40 textes des sagas des Islandais, elles forment finalement une espèce de tout, cohérent hein, avec des personnages. Alors, tous les personnages ne se retrouvent pas, mais des thématiques très fortes, des motifs littéraires très forts aussi. Il y a des passages obligés hein, sur la vengeance, le duel, les Bachaskir, hein, les guerriers fauves. Il y a toujours un guerrier fauve costaud mais un peu bête qui va finir par être tué par le héros. Hein. Voilà, vous avez des motifs qui reviennent. Et ces motifs ont nourri évidemment un imaginaire qui va bien au-delà de l'imaginaire islandais. Depuis maintenant un siècle et demi ou deux siècles, ils ont été découverts par les voyageurs européens, par exemple. Qu'est-ce que vous appelez bien plus loin, c'est-à-dire qu'il repris Oui, c'est ça, retransformé, oui. Élaboré. Écoutez, moi, je trouve que je ne sais pas si ma collègue va être d'accord avec moi. Je trouve que la comparaison la plus pertinente avec ces sagas islandaises, c'est les westerns américains. Finalement, vous avez des thèmes aussi très forts et il y a des convergences entre l'écriture du western et les sagas islandaises. D'ailleurs, vous dites bien, Marie Mossé, dans votre travail, que les Américains ont été passionnés par la découverte les Américains du 19e siècle, passionnés par la découverte des sagas islandaises. Totalement. En fait, les quelques voyageurs américains sur lesquels je travaille se sont rendus en Islande à l'occasion du millénaire de la colonisation islandaise, donc en 1874. Donc c'est là que j'ai le plus gros groupe de voyageurs américains qui se rendent en Islande. Et en fait, ils établissent une correspondance entre cette histoire de colons norvégiens bannis, exilés en Islande, et leur propre histoire, de colons qui sont encore en pleine conquête de l'Ouest. Et donc, ils ont tendance à se considérer comme des nations sœurs. Et donc, à reprendre pour eux cette histoire... Tout à fait. Et comment les reprennent-ils, ces histoires, justement? Est-ce que ça pourrait nourrir le western américain? Je ne sais pas. Eh bien, à la suite des Danois et Suédois qui sont retournés récupérer leur héritage auprès des Islandais, à la suite des Britanniques qui ont voulu aussi leur part de l'héritage nordique, vous avez les Américains qui vont à leur tour revendiquer les Islandais comme leurs ancêtres. D'autant plus qu'on sait que de l'Islande, sont aussi partis les premiers Vikings qui sont arrivés à Terre-Neuve. Et oui, donc il y a forcément l'histoire d'Éric le Rouge derrière tout cela, en l'occurrence François Aimion. On va écouter un extrait de cette saga de Gisli-sur-Saône avec laquelle nous avons commencé, traduite par Régis Boyer pour les sagas islandaises dans la collection La Pléiade, et ça peut rappeler effectivement certaines bagarres de western. Il y avait un homme qui se nommait Albjorn. C'était un vagabond. Il allait par les districts, toujours avec une dizaine ou une douzaine d'hommes, et il avait installé un baraquement au Thing. Les garçons vont jusqu'à ce baraquement, lui demandent de les y loger et se disent vagabonds. Il déclare qu'il loge dans son baraquement quiconque veut recevoir l'hospitalité. « Je suis venu ici bien des années, dit-il. Et je connais tous les chefs et possesseurs de Godord. » Les garçons disent qu'ils ont confiance en sa protection et qu'ils veulent qu'il les instruise. Nous voudrions bien voir les puissants personnages sur le compte desquels courent tant d'histoires. Albjorn dit qu'ils vont descendre sur le rivage, qu'il reconnaîtra sur le champ chacun des bateaux qui arrivera et qu'il le leur dira. Il le remercie de sa bonté. Ils descendent donc au rivage, jusqu'à la mer, et voient les bateaux faire voile vers la côte. Alors, l'aîné des garçons prend la parole. « À qui appartient ce bateau qui va aborder ici maintenant ?» Albjorn dit que c'est à Borkr le Gros. « Et qui cingle juste après ?»« Gestre le Voyant, dit-il. » « Et qui fait voile juste après et mouille à la pointe du fjord ?» C'est Torkel Surson, dit-il. Alors, il voit que Torkel descend à terre et s'assoit quelque part, pendant que les gens déchargent leur cargaison et les portent là où la mer ne peut les atteindre. Celui qui fait voile n'est pas... Ulysse, en l'occurrence, Victor Massé-d'Épinay, parce que demain, nous terminons cette série sur les grandes épopées par l'Iliade et l'Odyssée. Mais on se rapproche peu à peu de ce qu'on connaît le mieux, peut-être, et on finit en effet avec au Homère, je suis allé il y a quelque temps au Louvre-Lens, qui propose en ce moment une très grande exposition sur Homère. On était dans les préparatifs de l'exposition, elle n'était pas encore ouverte, avec Alexandre Farnoux, qui est directeur de l'École française d'Athènes et qui est l'un des co-commissaires de cette exposition. Il nous a promené dans cette exposition qui parle à la fois du personnage d'Homère, de l'Iliade, de l'Odyssée, de ce qu'on appelle les récits du cycle, et puis aussi de tout l'héritage d'Homère, de l'homéromanie, en particulier à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Un extrait de ce documentaire qu'on écoutera demain, de cette balade au Louvre-Lens avec Alexandre Farnoux. Alors dans cette partie de l'exposition, on est dans la première partie qu'on consacre à la fabrique du poète, c'est-à-dire que on a voulu d'une part, avec la carte qui est juste derrière, montrer que autour d'Homère, on n'a que des incertitudes sur son existence. Où est-ce qu'il est né? La carte montre tous les lieux où on disait qu'il était né, plus de 7 cités, en sorte que Homère est de partout, et c'est en ce sens qu'il est cosmopolite. Donc on a un très grand nombre d'incertitudes, et à côté de ça, on a un très grand nombre de bustes et de portraits, dont le portrait dit d'Épiménide, qui est le buste qui est là-bas, dans la vitrine, et tous ces autres portraits, dont celui en marbre juste derrière nous, qui provient du Louvre, et qui est d'après un modèle grec trouvé en Italie. Ces bustes sont la réponse apportée par les anciens et par nous pour faire exister ce poète dont on ignore quasiment tout, puisque les quelques biographies qu'on possède sont des biographies très tardives, bourrées d'anecdotes, mais qui ont très peu de signification par rapport au poète lui-même. Et donc un des moyens de le faire exister, c'est de multiplier ses portraits dans les bibliothèques, dans les rues, dans les maisons, et dans les sanctuaires, de façon à le faire exister au moins par ses traits. Et ce qui est évidemment très frappant, c'est ce qu'on a voulu ici retracer, c'est qu'il y a des traits très différents d'Homère, hein. Il a des yeux, il n'a pas d'yeux, il est barbu, il est imberbe. Dans certains cas, qu'on n'a pas ici mais qui se trouve dans le catalogue, Homère lit aussi un papyrus et donc il écrit, il sait lire et il a des yeux. Les anciens avaient une vision beaucoup plus large que la nôtre hein, d'Homère. Nous, au 19e, on a restreint l'imagerie d'Homère à l'aveugle, errant, génial, inspiré par la muse, suivant une vision très romantique du génie. Est-ce qu'on a quelques certitudes sur le siècle où il a vécu ? On n'a pas de certitude, enfin on n'a pas de nouvelles certitudes par rapport à celles que les anciens nous ont données. De ce point de vue-là, on n'en sait pas beaucoup plus que ce qu'ils nous en disent, hein, soit Hérodote, soit d'autres textes qui nous situent à peu près Homère. L'hypothèse admise à peu près très largement, avec des variations, c'est que s'il a existé, on est obligé de le situer aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais encore une fois, s'il a existé, c'est le meilleur moment pour le placer pour toutes sortes de raisons historiques sur lesquelles je passe rapidement et qui est liée à la question de l'écriture de son œuvre. Voilà, demain donc nous concluons cette série qui a été perturbée par l'incendie de Notre-Dame donc à Paris hier. On a fait une émission spéciale que vous pouvez toujours réécouter sur notre site, et sachez que pour ceux qui s'intéressent au Tibet et à l'épopée du roi Guézard, eh bien nous l'avons enregistrée cette émission et nous la diffuserons assez rapidement par les moyens numériques ou sur notre antenne. Donc pour conclure notre émission sur les sagas, je remercie nos trois invités, Anna Steinum, Torleif Dottir, vous François Aimion et vous Marie Mossé d'être venus. Merci à Mélodie Ru d'avoir lu ces textes qui ne sont pas si faciles à lire quand on ne pratique pas l'islandais. Merci à Victor Massé de l'Épinay d'avoir préparé ces émissions et co-animé ces émissions avec moi. Cette émission était donc composée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Comme d'habitude, Jean-Frédéric c'était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter ces émissions sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.